L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Pour la première fois, des astronomes ont pu observer la présence de l'étoile accompagnant une supernova de type 1A et qui est à l'origine de l'explosion de la naine blanche. La théorie décrivant le processus de supernova de type 1A est assez bien définie. Ces supernovas sont les plus intéressantes pour les astrophysiciens car elles leur servent de chandelle standard. Leur luminosité intrinsèque est quasi identique et leur luminosité apparente ne dépend donc que de leur distance. La théorie stipule qu'une étoile naine blanche formant un système binaire avec une autre étoile lui accapare de la matière et, ce faisant, finit par dépasser la masse critique au-delà de laquelle sa pression interne ne peut plus contrecarrer la force de gravitation. Il se produit alors un effondrement gravitationnel et l'explosion de la naine blanche qui ne laisse rien derrière elle, si ce n'est une nébuleuse ensemençant le milieu interstellaire. La théorie fonctionne très bien et permet d'expliquer les supernovas 1A qui sont observées. Oui, mais depuis près de 50 ans que ce modèle a été développé, les astronomes n'ont jamais réussi à observer l'étoile compagne à l'origine du gain de masse de la naine blanche, et donc de son explosion. Il faut dire que la plupart des SN1A observés se situent dans des galaxies lointaines, ce qui ne facilite pas ce type d'observation. Les astrophysiciens doivent ruser. On ne peut pas observer directement l'étoile compagne, mais on peut peut-être essayer de voir s'il existe un impact de l'explosion de la supernova sur l'étoile compagne. C'est ce que Howie Marion de l'Université du Texas à Austin et ses collaborateurs se sont engagés à observer. La théorie développée à l'université de Berkeley par l'astrophysicien Dan Kazen prédit que lors de l'explosion de la naine blanche, si la compagne est une étoile normale, cette dernière doit subir un bref échauffement et produire alors une bouffée de lumière bleue. Et c'est exactement ce qu'ont observé Marion et ses collègues. Il montre ainsi que l'étoile compagne de cette supernova SN2012-CG n'est ni une autre naine blanche, ni une supergéante rouge, comme on l'a longtemps pensé. Il s'agit d'une étoile brûlant encore de l'hydrogène, donc tout à fait normale, une étoile que l'on dit de la séquence principale. SN2012-CG a été découverte le 17 mai 2012 au Lick Observatory. Elle est située dans la galaxie NGC 4424, dans la constellation de la Vierge, à une distance de 50 millions d'années-lumière. Dès le lendemain de son apparition, l'équipe de Marion l'a étudiée de très près. L'interaction avec l'étoile compagne a lieu très tôt après l'explosion proprement dite. Il est donc important d'observer rapidement ce qui se passe, là-haut. L'équipe a observé la lumière en provenance de SN2012-CG avec de nombreux télescopes durant plusieurs semaines en observant la lumière dans ses différentes longueurs d'onde. L'équipe s'est constituée très vite en une vaste collaboration internationale incluant des chercheurs au Chili, en Hongrie, au Danemark et au Japon, en plus de nombreux Américains. L'excès de lumière bleue observé dans la lumière de la supernova indique clairement que la face de l'étoile compagne faisant face à l'explosion s'est fortement échauffée. À partir de la quantité de lumière bleue en excès mesurée, les chercheurs, à l'aide de modèles d'étoiles, parviennent à déterminer la masse minimale de cette étoile compagne, 6 masses solaires. Seuls quelques spécimens de supernova de type 1A avaient été observés aussitôt après l'explosion, mais elle n'avait pas permis de voir l'excès de lumière bleue caractéristique. Les chercheurs concluent dans leur article, accepté pour publication dans The Astrophysical Journal, qu'ils ont eu de la chance de pouvoir observer l'excès de lumière bleue. Si l'angle de vue avait été différent, ils n'auraient pas pu détecter le petit flash bleu. Cette détection est très importante car non seulement elle confirme le modèle théorique des supernovas 1A, mais elle permet aussi de prouver que les SN1A peuvent être, à l'origine, des systèmes binaires comportant une étoile de la séquence principale, du type du Soleil. Alors que des théories antérieures imaginaient plutôt des couples de naines blanches, le modèle dit double dégénéré, explosant après avoir fusionné. Reste maintenant aux chercheurs à réitérer ce type d'observation sur les prochaines supernovas de type 1A pour affermir cette première observation et conforter l'image que l'on se fait désormais de ces supernovas si cruciales pour les astrophysiciens. L'article de Marion et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal. Il est accessible sur Archive, dont je mets le lien en bas de ce post. Il s'intitule SN2012CG « Evidence for interaction between a normal type IA supernova and a non-degenerate binary companion ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut, le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez également ce podcast bien sûr sur podcloud.fr et sur iTunes bien sûr, ainsi que sur YouTube. Oui, sur YouTube également. C'est nouveau et c'est tout chaud. Voilà, à très bientôt. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!